Lettre 9e. Littérature de l'école révolutionnaire. Elle est peu estimée en France. Parmi les nombreuses marques d'attention que j'ai reçues de mes amis de Paris, le soin qu'ils prennent de me procurer la plupart des nouveaux ouvrages qui paraissent est une de celles dont je leur sais le plus de gré. On s'imagine généralement qu'il est facile, par le moyen d'un cabinet de lecture, de savoir ce qui se passe à Paris dans la littérature. Mais c'est là une bien grande illusion, quoique du reste on doive en beaucoup de cas se féliciter de son ignorance. Une personne à qui je dois une grande reconnaissance pour la bonté avec laquelle elle a offert de m'assister dans toutes mes recherches, m'a fourni des renseignements fort curieux sur la littérature et les gens de lettres en France. Il est impossible de disconvenir que dans cette branche de prééminence humaine, le parti qui vient de perdre le pouvoir et les honneurs jouit d'une supériorité décidée. Aurais-je tort de dire que c'est là une justice pratique? Les politiques du jour, actifs, affairés, inquiets, ont réussi à chasser leurs rivaux des postes qu'ils occupaient pour s'installer à leur place. Une dynastie a été renversée et une autre établie. D'anciennes lois ont été abrogées et de nouvelles ont été créées par douzaines. Une noblesse héréditaire a été déshéritée et de petits hommes se sont fait grands. Mais au milieu de cette vaste destruction, ils ne sont point encore parvenus à faire en sorte qu'une seule des minces réputations littéraires du jour l'emporte dans la balance contre la renommée des hommes qui jamais ne prêtèrent leur voix pour célébrer la cause de la trahison, du régicide, de la révolte et de l'obscénité. La réputation littéraire de Chateaubriand et de Lamartine s'élève sans aucune comparaison au-dessus de tous les autres écrivains français d'aujourd'hui. Le premier, cependant, malgré tout son génie, s'est laissé parfois emporter par son imagination, et le dernier n'a donné au public que les loisirs de sa vie littéraire. Mais l'un et l'autre sont, non seulement des hommes de génie, mais encore des hommes d'honneur et de principe, et c'est encore une consolation pour la nature humaine de songer que ces qualités servent à maintenir toujours à flot ceux qui les possèdent, quelles que soient les tempêtes qui mugissent autour d'eux ou les vagues courroucées qui les assaillent. Mais ce ne sont pas des hommes comme ceux-là qui fournissent aujourd'hui en France la matière des observations littéraires les plus intéressantes. Ils parlent pour eux-mêmes. Tout le monde les connaît, eux et leur position. La circonstance la plus remarquable de la littérature actuelle de la France, c'est qu'à l'exception de l'histoire, branche dans laquelle Thiers et Mignet se sont rendus assez recommandables, malgré ce que leur philosophie a d'étroit et de mesquin, avec cette exception, dis-je, il n'a pas paru depuis la Révolution de 1830, au milieu de tant d'ébullition, d'une imagination effrénée, qui ne se laisse retenir ni par les convenances, ni par les principes, ni par le bon goût, un seul ouvrage qui ait obtenu un succès solide, grand et généralement avoué. Il n'y a pas non plus un seul auteur qui, depuis cette époque, se soit élevé par ses ouvrages à cette position dans la société que dans tous les pays on accorde si généralement et si cordialement à ceux qui jouissent d'une haute réputation littéraire. Quoique aussi certaine de la vérité de ce que je dis que le suis de mon existence, je n'en suis pas moins fort content d'être tranquille chez moi pendant que j'écris. Car si mes paroles pouvaient être entendues de cet essaim bourdonnant de petits génies qui se réunissent les uns dans les foyers des salles de spectacle, d'autres dans les bureaux de rédacteurs de journaux, et d'autres dans les lieux où s'impriment les petits contes à la mode, je serais infailliblement lapidé ou piqué par leurs aiguillons jusqu'à ce que mort s'en suive. Il me semble entendre déjà leur clameur. « Infâme calomniatrice !» s'écrie l'un. « N'ai-je donc pas acquis une réputation ? Ne gagnais-je pas tous les ans plusieurs milliers de francs par ma sublime familiarité avec le péché et la mort ? Je n'ai donc pas de réputation ? Moi, pas de réputation ? » dit un autre. « Femme, qu'appelez-vous donc une réputation ? Les spectacles ne se remplissent-ils pas d'une foule empressée ? Toutes les fois que je mets sur le théâtre le meurtre, le libertinage et l'inceste, pour calmer le monde par des crimes incompatibles ? Écoutez, ô savant, j'ai mis un troisième. Et moi aussi, n'ai-je pas une réputation ? Ne suis-je pas célèbre ? Audacieuse calomniatrice, mes contes délicieux, où se peint la pure nature, ne sont-ils pas dans les mains de tout jeune homme né libre, de toute jeune fille sensible dans notre Athènes régénérée, audacieuse calomniatrice. Si j'étais obligé de répondre à ces clameurs, je dirais, si vous appelez cela de la réputation, prenez-la, essayez-en, jouissez-en à votre gré, et voyez où vous serez dans une douzaine d'années d'ici. Malgré cette disette extraordinaire de grand talent, je ne vois pas qu'il y ait jamais eu d'époque où les presses françaises aient été plus occupées qu'en ce moment. La révolution de 1830 paraît avoir mis en mouvement tous les esprits du second ordre. Il n'y a pas d'enfants sortant de l'école, pas d'ouvriers ignorants qui ne se croient à la fois le pouvoir et le droit d'instruire le monde. Chaque être vivant dans Paris a pris part à cette glorieuse lutte, dit le journal. Oui, tous, répond l'artisan aux mains noires, en ouvrant ses naseaux pour respirer l'air, avec l'orgueil enivrant d'un pouvoir arrogé. Oui, répond chacun d'eux, c'est nous, c'est nous. Et puis, comme les sorcières inquiètes sur la rime bruyère, que leur haleine impure a flétrie, ils se réveillent, et regardant du haut du mal qu'ils ont fait, vers le mal plus grand qu'il leur reste encore à faire, ils murmurent prophétiquement, « Nous ferons, nous ferons, nous ferons !» Quant à moi, j'avoue que je ne comprends pas qu'il ait pu se trouver des personnes qui aient classé des écrivains de ce genre parmi les hommes célèbres de la France. Et pourtant, on l'a fait. Ce ne sera que quand les effets de la commotion populaire qui leur a donné l'existence, ça sera parfaitement calmé, que l'état actuel de la littérature française pourra être bien connu. Béranger n'a point été le produit de ce tourbillon. Dans quelque temps qu'il écrive, quel que soit le sujet de ses vers, le feu d'une véritable inspiration poétique brillera à travers les brouillards épais que de faux principes élèvent autour de lui. Je crois bien qu'il n'est qu'un météore, mais ce météore a beaucoup d'éclat, et il brillera même au sein d'exhalaisons pestilentielles et sur le bord des plus dangereux précipices. On ne peut en aucune façon le compter au nombre des poètes de la nouvelle école dont je me suis permis de mettre en doute les droits à une renommée légitimement acquise. Je ne disconviendrai pourtant pas que même chez eux, on rencontre parfois des éclairs de talent, des étincelles d'esprit et des élans d'une éloquence pleine de chaleur. Il serait difficile qu'il en fût autrement. Mais tout cela brille un moment et s'éteint l'instant d'après. L'huile qui alimente la lampe du génie révolutionnaire est trouble, et les vapeurs nauséabondes, qui s'élèvent en même temps que la flamme, ne peuvent manquer d'en ternir la clarté. Ne me croyez pourtant pas assez présomptueuse pour ne citer ici que mon propre jugement sur la position que la nouvelle école, dénomination que les décousus se sont donnée par excellence, tient dans l'estime publique. Je conçois que mon jugement serait ici d'un faible poids. Ce que je vous en dis est le résultat des renseignements que j'ai pris parmi les personnes les plus capables de m'instruire à fond de ce sujet. Quand les noms de ceux d'entre ces auteurs qui ont le plus écrit et qui ont même trouvé le plus de lecteurs sont proférés dans le monde, à quelque parti politique qu'appartienne la société dans laquelle on se trouve, on est sûr de les entendre traités comme une caste de parias avec laquelle il faut éviter tout contact. Connaissez-vous X ? C'est une question que j'ai souvent faite en parlant d'une personne dont le nom est cité en Angleterre comme celui de l'écrivain français le plus estimé du siècle et que, par parenthèse, on cite comme une preuve de l'abaissement dans lequel sont tombés en France le bon goût et les bons principes littéraires. « Non, madame », prononcé d'un ton glacial, a été constamment la réponse qui m'a été faite. « Ou Y ? Lui, il n'est perçu dans la société. Ou Z ? « Oh non, ces ouvrages vivent une heure, et c'est trop, après quoi ils sont oubliés pour toujours. » D'après cela, ma chère amie, si vous me voyez revenir de France avec une bien meilleure idée du bon goût et des sentiments moraux des habitants que quand j'y suis arrivé, ne croyez pas que l'échelle dont je me servais pour mesurer ce qu'est bien se soit rapetissée, mais plutôt que j'ai reconnu combien mes idées à cet égard étaient d'accord avec celles de nos voisins si aimables et si injustement accusés. Mais j'aurai probablement l'occasion de revenir plus d'une fois sur ce sujet. Adieu.